France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Ce vendredi, une actualité philosophique. La parution d'un livre du philosophe Bernard Sève intitulé « Les matériaux de l'art ». C'est l'occasion d'une discussion sur l'importance des matières et des matériaux dans nos vies avec les historiens Alain Corbin et Manuel Charpie. Merci de votre présence à tous les trois, même si Alain Corbin est à distance. Alors Bernard Sève, bonjour. Bonjour. C'est un magnifique ouvrage que vous nous offrez là, Les matériaux de l'art, paru au Seuil. Vous y faites une analyse minutieuse, non pas seulement des matières dont se servent les artistes, mais des matériaux, et vous nous expliquerez la différence. Il n'empêche que les aspects physiques de la production artistique, et notamment la place du corps humain, sont décortiqués avec soin. La question des supports, qui sont essentiels aussi à la survie des œuvres, et à leur circulation. Vous nous direz quel est le désir philosophique qui a présidé à votre démarche. Alain Corbin, je suis très honorée de vous recevoir tant votre œuvre d'historien est impressionnante. Bonjour. Bonjour. Ah, la connexion fonctionne, je suis ravie, je sais que vous êtes à distance. Bienvenue. Vous avez écrit une trentaine d'ouvrages, traduits dans diverses langues, en histoire des sensibilités et des matières. Et parmi les derniers, il y a une histoire du repas, paru chez Plon en 2022, une histoire de notre rapport au vent, et oui, chez Fayard en 2021, et il y a quelques semaines chez Plon, une histoire du plâtre. Enfin, bienvenue à Manuel Charpie, bonjour. Bonjour. Vous êtes un disciple d'Alain Corbin, vous prolongez aujourd'hui son intérêt pour les matériaux dans l'histoire. Vous travaillez notamment sur le caoutchouc, sur l'aluminium. Tout cela est passionnant et vous nous raconterez. Quel est l'auteur, quel est l'amateur de reliures d'art qui n'a pas pris un plaisir particulier, nettement esthétique, à caresser le gros grain d'un maroquin ou la finesse lisse d'une basane ? Est-ce que le contact si différent d'une fourrure un peu rude, un peu bourrue, ou d'une fourrure douce et souple, glissant élastiquement sous la main, n'intervient pas dans l'appréciation esthétique générale que nous en formons? Et dites-moi encore, si pour quelqu'un qui aime la nature, le contact rêche et mâle de l'écorce d'un chêne, ou le poli d'une finesse un peu féminine de celle du hêtre ou du bouleau, ou bien encore, quand on met la main dans un ruisseau, la pression comme ronde et élastique de la fraîche rapidité qui passe, ou encore le contact si divers de toutes les sortes de roches et de pierres, depuis le marbre et le silex froid et doux jusqu'au grain finement raboteux de la pierre meulière et du grès, dites-moi si tout ce jeu de valeurs tactiles ne fait pas partie d'un trésor d'expérience où la valeur esthétique s'étale sur toute l'étendue de la perception. Quelle magnifique voix, quel magnifique ton, c'est voluptueux. Il s'agissait d'Étienne Souriot, qui est un philosophe spécialiste d'esthétique, longtemps professeur à la Sorbonne, qui vous a beaucoup marqué, Bernard Sève, on va y venir. Et c'est tellement voluptueux et fin ce qu'il dit que je vous en propose un autre extrait. Si nous songeons maintenant à la sensation, non pas éprouvée directement, mais suggérée et évoquée, nous nous apercevons de la place immense, bien qu'inconsciente, qu'occupe l'ordre des valeurs tactiles dans la contemplation esthétique. La rose ou la tubéreuse, ce n'est pas seulement un parfum et une couleur, c'est aussi une chair d'un grain fin et délicat, comme l'impression de velouté que donnent certains pétales d'iris ou d'ophrys se mêle, sans que nous le sachions, au charme de leur aspect coloré. Si nous songeons au rôle de toutes ces choses dans l'art, nous nous apercevons qu'il est immense. Parfois, il s'agit d'une évocation presque hallucinante. Si le marbre froid d'une statue suffit à nous faire supposer la tiédeur de la chair, si le ruissellement des notes de la harpe nous paraît lisse et frais, tandis que le son du cor paraît aussi chaud et rugueux qu'une roche au soleil, si Van Dyck ou Watteau, en faisant miroiter différemment les satins et les velours, réussissent à nous en faire presque sentir le grain sous les doigts, c'est très certainement une légitime récompense de leur virtuosité technique. Le philosophe Étienne Souriot s'exprimait là dans une série de 9 émissions qui ont été diffusées en 1948 sur la RTF. C'est une merveille, non, Bernard Sève? Est-ce que c'est pour cette sensualité-là liée au sujet, en particulier, que vous avez fait ce livre, Les matériaux de l'art? Disons que le travail d'Étienne Souriau compte et a compté pour moi à deux titres. D'une part, son très grand intérêt, sa très grande attention aux matériaux au sens le plus littéral du terme, la ferronnerie, ce genre de choses. D'autre part, sa pensée sur la correspondance des arts. Il a écrit un grand livre sur la correspondance des arts, qu'on devrait lire un peu plus. Et troisièmement, j'ai annoncé deux raisons, mais il y en a trois. Troisièmement, son idée selon laquelle la philosophie de l'art ne consiste pas à appliquer une philosophie toute faite au travail artistique, chose qui se produit quand même assez souvent, mais que les artistes sont premiers, que les objets d'art ou pratiques artistiques sont des faits d'une nature à la fois naturelle et culturelle, et que c'est à eux de juger la philosophie de l'art dont ils sont, pour ainsi dire, l'instance critique. Et je trouve que cette démarche méthodologique est extrêmement intéressante. On prolonge un tout petit peu pour que les auditeurs comprennent votre démarche. J'ai l'impression, mais peut-être est-ce une hypothèse que vous démentirez, que vous aviez envie de rompre avec une certaine façon d'aborder l'art en philosophie qui est surtout une approche de sa réception. C'est-à-dire on commente, on réfléchit, on interprète, on a des philosophes importants, on a Gadamer, on a Hans-Robert Jauss qui a écrit pour une esthétique de la réception en 1978. Et vous avez eu envie de vous pencher sur la production. Est-ce que c'est ça? Et si oui, pourquoi? Alors, vous avez raison. Disons que dans le très grand, très vaste panorama des philosophies de l'art actuellement vivantes, il y a ce que vous venez de dire, les esthétiques de la réception, de la sensibilité, de l'émotion, que je respecte tout à fait, mais qui n'est pas ce qui m'intéresse. Il y a d'un autre côté tout ce qu'on appelle l'ontologie de l'œuvre d'art, qui consiste à se demander quelles conditions un objet ou un artefact doit pouvoir remplir pour être déclaré une œuvre d'art. C'est très intéressant, mais c'est pas du tout ma voie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la production. Pourquoi? Parce que les pratiques ou les objets artistiques, au sens le plus large du mot artistique, sont des êtres nouveaux qui apparaissent dans le monde, qui n'apparaîtraient pas s'il n'y avait pas des êtres humains pour les fabriquer, et qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans l'énergie que depuis des millénaires, l'humanité met à produire des objets durables ou des œuvres non durables, comme une danse par exemple, ou un chant qui n'est pas noté. Et il y a là quelque chose d'une énigme du côté de ce que ça nous dit l'humanité. Sa capacité à créer. Voilà, c'est ça qui m'importe. Je ne suis pas du tout anthropologue, malheureusement, mais... Mais vous êtes comme Montaigne, vous l'êtes un peu quand même. Je le suis peut-être un peu quand même, mais... Que vous aimez tant, Montaigne. C'est vrai. Mais il y a un désir de comprendre les racines de cette invention permanente de formes nouvelles, d'arts nouveaux, et la manière dont les artistes s'emparent des matériaux, soit matériels, comme l'argile, le plâtre, le bronze, soit immatériel, comme un récit, une croyance ou un thème musical, pour en faire quelque chose, et pour en faire quelque chose dont une partie au moins est gratuite. C'est ça qui me paraît important. Oui. J'ai encore une question vraiment de curiosité sur l'origine de ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Arthur Lockman qui a écrit La vie solide. Vous connaissez La charpente comme éthique du fer, paru chez Payot et Rivage en 2019. Arthur Lockman est philosophe et il est devenu menuisier. Et on a l'impression qu'il y a là une volupté, un rapport à la matière qui manquait précisément, qui lui manquait dans l'abstraction philosophique. Et je sais, Bernard Sève, que comme lui, vous aimez couper du bois. C'est vrai. et je vais vous lire ce qu'il écrit, Arthur Lockman. Par le truchement de la scie, la main entre en contact intime avec l'intérieur du bois. C'est la scie qui lui permet de découvrir sa résistance, la dureté de ses fibres. Et on constate que couper dans la longueur du bois est beaucoup plus difficile que de scier perpendiculairement au fil. On apprend que le ciseau à bois fait ressentir la structure fibreuse du bois. Moi, je trouve ça magnifique, mais j'ai quand même l'intuition que pour vous aussi, tout ça, c'est magnifique. Vous coupez du bois, hein ? Oui, je coupe du bois, je fends du bois. Et je vais faire, puisque vous m'en donnez l'occasion, l'éloge du coin tournant. Tout le monde connaît le coin classique que l'on frappe et qui permet de fendre une bûche. Mais le coin tournant, qui a donc une inclinaison de 25 degrés, je crois, entre la partie coupante et le sommet. Au fur et à mesure qu'il entre dans le bois, il tourne sur lui-même, il le fait éclater beaucoup plus rapidement. Il y a là une inventivité humaine, je ne sais pas qui a inventé le coin tournant, à partir du coin droit classique, oui. Mais il y a une spiritualité du coin tournant, au sens où Hegel disait qu'il y avait plus d'esprit dans un clou que dans la totalité de la nature. Je trouve qu'il y a une spiritualité dans le coin tournant, et à quoi je pense chaque fois que je fends des bûches. Et on va revenir sur Hegel un peu plus tard dans cette émission. Alain Corbin, vous êtes un grand historien des sensibilités et des matières. Je voudrais savoir si vous aussi, dans votre démarche, il y a eu quelque chose qui relevait, allez, je lâche le mot une deuxième fois, de la volupté. L'envie de toucher des choses sensibles aussi par les mots, les concepts, la recherche, mais cela dit, dans les archives, je présume que vous les touchez véritablement, aussi bien les odeurs que les matières. Est-ce que cet aspect un peu sensuel a compté dans votre démarche? Oui, ça a compté en particulier aux archives dont vous venez de parler. Mais je voudrais élargir un peu le propos d'une manière historique. Oui. C'est que les hommes n'ont pas utilisé leur sens de la même manière au cours de l'histoire. Depuis la Renaissance, par exemple, on constate dans l'usage des sens une montée de la douceur. Ah oui. Aussi bien dans le domaine du parfum, l'odorat, que dans le domaine des saveurs, le goût, que dans le domaine du toucher, la caresse, que dans le domaine aussi de la vue, il y a un processus d'accentuation du désir des douceurs, cela jusqu'au XXe siècle, disons, je ne vais pas aller plus loin, mais déjà Lucien Febvre avait remarqué que les hommes du XVIe siècle n'éprouvaient pas de la même manière, le toucher, la façon de lécher, etc. Or, cette douceur qui entraîne l'ensemble des cinq sens entre la Renaissance et, je dirais, nos jours, est contemporaine d'une dureté accrue, en revanche, dans le domaine de la violence. C'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été synthétisé par les historiens. Mais vous y contribuez à cette synthétisation, c'est très intéressant. J'ai aussi l'impression, en regardant votre parcours, que les sens un peu perdus ou recouverts vous ont intéressé particulièrement. Il est classique de dire que l'odorat a été un petit peu refoulé par rapport au sens de la vue, notamment au XIXe siècle. Vous avez travaillé sur les odeurs, dans le miasme et la jonquille en particulier, en 1982. Vous avez aussi osé dire que les milieux sociaux sentent. Ce qui parfois est un tabou. Dans le quai de Wigan, George Orwell, en 1937-38, raconte un voyage qu'il a fait auprès des ouvriers, des chômeurs du sud de l'Angleterre, des milieux très pauvres. Et il disait que ça sentait, pas toujours bon, que l'hygiène était un vrai sujet. Et je fais cette remarque parce que je trouve ça très intéressant. La gauche à laquelle il appartenait, le Left Book Club, n'a pas du tout aimé ces remarques. Ils ont trouvé qu'il montrait là un tempérament de petit bourgeois. Mais vous, l'historien, vous osez dire quand ça sent bon et mauvais, ou plus exactement, vous dites ce que ça sent. Les milieux populaires, oui, en effet, il y a des odeurs spécifiques. Ça vous intéresse particulièrement, non, je me trompe, Alain Corbin? Non, pas du tout. En ce qui concerne le 19e siècle, il y a un processus de distinction dans ce domaine. C'est-à-dire que les classes supérieures essaient de se distinguer du peuple. Et donc, ils qualifient le peuple de puant, de brutal, etc. C'est-à-dire que les usages des sens par le peuple est absolument dévalorisé. On le voit dans toute la littérature française, par exemple, du 19e siècle. Hein. Il faut bien comprendre ça. Alors, il y a eu un grand débat pour savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Alors, vous êtes fait l'historien de cela, sans oublier, je présume, qu'à Versailles, chez les nobles au XVIIe siècle, ça puait carrément, hein. C'est pas seulement un problème de classe sociale, vous êtes attelé à ces questions. Ça puait à votre avis. Oui. Mais la sensibilité olfactive, c'est celle que vous évoquez, a sa propre histoire. C'est extrêmement compliqué, ça se joue parfois sur une dizaine d'années. Je prendrai un exemple qu'Alain Denizet, qui est un jeune historien. Oui. Je lui avais donné à étudier l'essence, la manière dont on analysait l'essence dans les Rougon-Macquart de Zola. Et sa conclusion était étonnante, c'est que en ce qui concerne Zola, évidemment, c'est de la fiction. Les différentes catégories n'utilisent pas l'essence de la même manière. Prenons un exemple, la séduction. La séduction se fait à distance par des bribes de signaux dans les classes supérieures, alors que dans le peuple, selon Zola, on se rue sur l'autre, on l'empoigne, hein, vous voyez. Donc voilà un exemple. C'est très intéressant. De maniement du toucher dans la littérature du 19e siècle français. Manuel Charpie, vous connaissez très très bien l'œuvre d'Alain Corbin. C'est vrai qu'il y a un peu chez lui quand même un côté proustien, c'est-à-dire d'ailleurs il a appelé son livre de 1998 sur l'univers sensible d'un paysan illettré du Perche, Le monde retrouvé de Louis-François Pinago. Il cherche des choses qu'on oublie au quotidien, dont on ne se rend pas compte, et qui marquent la notion de milieu social. Oui, Alain Corbin vient très bien de l'évoquer. C'est vrai que ce qui m'a intéressé en étant effectivement lecteur, notamment des travaux d'Alain Corbin, c'est comment le rapport à la matière, à l'odeur, au toucher, fait que les matières ont une vie sociale particulière, se joue de distinction. Pour faire suite à ce que vous disiez tout à l'heure, ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que en fait, chaque milieu a ses odeurs, ses manières de toucher, et tout ça circule. Je vais juste peut-être prendre un exemple. Mais j'adore ça, moi, je suis là pour ça. Hein. Je vais travailler un petit peu sur l'histoire du caoutchouc au 19e siècle. Donc c'est une matière qui se diffuse au milieu du 19e siècle, quand on arrive à la vulcaniser, c'est-à-dire à la stabiliser. Oui. Et c'est assez marrant de voir que dans les deux premières décennies, en gros, de l'apparition du caoutchouc, c'est une matière noble, nouvelle, qu'on considère comme un peu magique, parce qu'on peut lui donner toutes les couleurs et les formes qu'on veut. Oui. Et puis, petit à petit, elle va être rejetée par les classes supérieures, parce que, d'un côté, on va dire, pour aller vite, pour trois raisons, ça devient la matière de la sexualité. C'est-à-dire des préservatifs, c'est-à-dire des sextoys. Ça arrive au XXe siècle. Non, dans les années 1870. Déjà, on a des préservatifs. Voilà. Oui, on a des sextoys, on a les premiers fétichistes de l'imperméable à la fin du XIXe siècle. Donc, il y a et puis on a les bidets en caoutchouc. Enfin, on a tout un imaginaire sexuel. Donc, on considère que le caoutchouc prend une odeur sexuelle. Dans le même temps, en plus, le caoutchouc devient une matière paysanne. Ça devient pour les bottes, etc. Donc, c'est considéré comme très lié à la boue. Et puis, troisième chose, c'est aussi au début du XXe siècle que ça devient une matière rattachée à la colonisation. On parle de caoutchouc rouge et à tous les grands massacres, notamment au Congo, qui ont lieu en lien avec le caoutchouc. Et donc, une matière qui, à un moment, est très séduisante, devient et petit à petit rejetée. Donc voilà, il y a une vie sociale des matières, il y a des hiérarchies sociales qui se construisent autour des matières. Et voilà, et Alain Corbin l'a très bien montré aussi sur l'histoire du plâtre. Vous avez tellement bien résumé votre analyse du caoutchouc que le texte que vous nous avez suggéré, qui est un article dans la Revue des Deux Mondes de 1855, est, je dirais, défloré. On ne va pas le passer dans son intégralité, mais c'est un article extraordinaire où quelqu'un témoigne du fait que lorsqu'il neige, notamment à Paris, eh bien, le caoutchouc est encore plus partout, dans les souliers, pour créer des formes d'étanchéité. Le caoutchouc, et surtout, je tiens beaucoup à cette date, 1855. Nous, on a tout le temps cette idée, je trouve, que le plastique et le caoutchouc, c'est beaucoup plus tardif. D'où nous vient cette fausse idée ? C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'en gros, entre 1850 et 1950, en fait, il y a eu plein de matières plastiques, c'est-à-dire des matières, comment dire, sans qualité, sans forme, sans couleur, qu'on peut transformer librement, mouler, teindre. Et je pense qu'effectivement, les années 60 qui ont inventé une nouvelle forme au plastique, et Roland Barthes, l'a très bien raconté en 1957, si je ne me trompe pas, dans les mythologies, mais voilà, il y a une invention dans la société de consommation d'une nouvelle forme des plastiques et qui a occulté effectivement toutes les formes anciennes. J'y insiste un peu, c'est que dans le premier siècle, en gros, de la vie des plastiques, donc du caoutchouc, mais aussi de la galalite, du celluloïde, de tout cela, on imitait des formes de matière existantes. C'est-à-dire qu'en gros, le celluloïde, c'était pour imiter l'ivoire. La bakélite, c'est pour imiter du bois, etc. Je pense que si les années 60 ont éclipsé toute cette histoire-là, c'est parce que d'un coup, on a montré le plastique, ses couleurs, des couleurs nouvelles dans le quotidien. Alors, je crois que la question des matières avancées, des matériaux que nous allons aborder, qui dans votre conceptualité, Bernard Sève, est un peu différente, est un sujet essentiel et nous allons explorer les raisons qui font que c'est important. Il me semble que l'une des raisons, c'est que ça crée du collectif. L'artiste, surtout depuis le romantisme, est vu en Occident comme un être isolé, parfois un peu maudit, parfois non, mais enfin quand même c'est la solitude. Et par les matières, en réalité, il est en contact avec plein de gens, un imprimeur s'il est un auteur, mais aussi tous ceux qui lui fournissent des matières premières pour sculpter. Bon. Et dans le cas du disque vinyle, c'est tout à fait intéressant parce que j'ai appris par un sujet d'Antenne 2 en 1976 qu'en fait on reprend des éléments matériels d'un disque précédent de tel ou tel chanteur pour le suivant. Écoutez. Maintenant, il s'agit de lui faire des petits à ce disque. Comment ? Eh bien déjà avec de la matière. Cette matière, c'est du PVC, du chlorure de vinyle. Elle est stockée dans des silos, les silos que vous pouvez voir. Et ensuite, elle part dans les tuyaux, dans l'usine. Et puis, pour faire le disque, bien sûr, il faut un moule. Ce moule, nous allons en suivre la fabrication maintenant. La gravure, précieuse et surtout très fragile, arrive bien protégée dans une boîte. Et puis après, bien, on dépose une pellicule d'argent. Cette pellicule a pour but de la rendre plus solide. Des opérations intermédiaires permettent d'obtenir ce que l'on appelle le père. Le père a les sillons en relief. Et puis ensuite, permet d'obtenir la mère. La mère, c'est l'étalon de sécurité. À cette mère est collée la matrice définitive en nickel. Il s'agit maintenant de la décoller. Et puis de la fixer à la presse. Ça y est, la fabrication du disque peut commencer. La matière, les étiquettes, et voilà le premier disque. C'est les bavurages, car dans l'industrie du tube, rien ne se perd. Si Delpech savait que ces disques sortent avec les restes de Lenormand... Michel Delpech ne sait donc probablement pas que son disque sort avec les restes de Gérard Lenormand. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bernard Sève, ce reportage ? Assez instructif. Hein. C'est très instructif. Ça m'inspire quelques réflexions assez banales, mais qu'il faut rappeler. C'est le très grand nombre d'étapes qu'il y a dans la fabrication d'un objet qui paraît tout simple comme un disque noir ou un disque vinyle, très grand nombre d'étapes, donc très grand nombre d'intervenants, de compétences différentes, d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, de petites mains et de grandes mains. Et donc, effectivement, le disque vinyle est un objet social, extraordinairement social, comme tous les objets. Et que par ailleurs, le disque vinyle n'existe pas pour lui-même, puisque c'est un objet qui est destiné à faire entendre de la musique. Donc il n'existe pas sans le lecteur le tourne-disque, enfin je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque, qui lui-même est un objet complexe, etc., etc. Ce qui me fascine, c'est la ramification en amont de tous les travaux, de toutes les intelligences, de tous les objets intermédiaires qui ont dû être mobilisés pour fabriquer à l'arrivée un disque qu'on oublie au moment où il tourne, puisqu'au fond, on écoute que le Normand ou Michel Delpech. Alors, vous faites un livre qui comporte 6 parties, les matériaux, les techniques, le corps, les collaborations et coopérations, c'est l'aspect collectif, je crois, que j'ai essayé d'évoquer par cet exemple, présentation, conservation, restauration, et enfin, dernière partie, la vie de certaines œuvres dans d'autres œuvres. Pour essayer de donner quelques enjeux à nos auditeurs, pourrait-on dire que c'est un hymne, votre travail, à la variété infinie de l'artisticité, puisque c'est comme ça que vous vous exprimez, d'ailleurs vous me direz pourquoi vous produisez ce concept, et donc peut-être un refus de penser l'art au singulier. Je ne refuse pas du tout de penser l'art. D'une certaine manière, j'essaye de le comprendre, mais je ne me précipite pas sur le concept d'art. Oui. J'étais très marqué par la lecture de Howard Baker, Les mondes de l'art, un très grand sociologue qui a disparu cet été, et qui expliquait tout simplement, d'ailleurs, sans développer, qu'il fallait renoncer à une division entre l'art et le non-art, mais qu'il y avait une continuité entre des pratiques fort peu artistiques et à l'opposé des pratiques très très artistiques. Mais qu'il y avait un continuum. Mmh. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Le mot artisticité, je ne l'ai pas. Il n'est pas très joli, mais il est commode. Je ne l'ai pas inventé, mais il existe. J'en fais un grand usage. Et on pourrait dire que dans les objets ou pratiques humaines, culturelles donc, il y a souvent un élément d'artisticité. Il peut être très très élevé, comme dans l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, pour prendre un exemple évident. Il peut être très faible, comme dans une publicité pas très inventive et un peu répétitive, mais il peut y avoir quand même 0,5% d'artisticité, c'est-à-dire de recherche de quelque chose qui provoque une émotion spécifique, un intérêt, une inventivité, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Et vous pensez que l'histoire n'est pas écrite, c'est-à-dire qu'il y aura de l'invention à nouveau, des matériaux nouveaux, de nouvelles formes d'artisticité. Il y a ça dans votre livre, cette espèce d'ouverture. Oui, alors, on ne prévoit jamais le futur, naturellement, mais toute l'histoire passée montre qu'il y a une multiplication des matériaux disponibles. Aujourd'hui, tout dans le monde est susceptible d'être repris par un artiste, y compris le sperme, les excréments, etc. On pourra faire de l'art avec tout ça. On peut faire de l'art avec ça. Il y a des artistes qui le font. Même des événements horribles peuvent aussi être repris sous le mode de la fiction, etc., etc. Il n'y a rien dans le monde qui ne puisse être transformé en œuvre d'art par un artiste. Alors, il faut qu'il soit talentueux, il faut qu'il ait des idées, il faut qu'il soit accepté par le monde de l'art, mais tout est matériau possible pour les artistes. Et par matériaux, ailleurs, vous dites. Oui, pardon, je vous ai coupé, pardon. Pardon. Et par ailleurs, il y a d'inventions d'objets nouveaux dans des arts existants, mais il y a surtout des inventions d'art nouveaux à une vitesse de plus en plus élevée. Depuis une cinquantaine d'années, combien d'arts liés à des inventions techniques qui n'existaient pas comme art sont apparus. C'est cette inventivité qui me fascine et qui est un des moteurs de. Alors, on va parler justement là de l'inventivité autour des matières. Je reviendrai, j'ai l'histoire du matériau par rapport à matière. Vous ne perdez rien pour attendre, on va y revenir. Mais Alain Corbin, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce renouvellement infini et de ce que disent d'une époque les matières? Parce que, bon, il y a un anthropologue, historien, surtout de la préhistoire, Jürgensen Thompson, qui a, au début, dans la première moitié du 19e siècle, créé, disons, ces catégories. Il y a eu, dans la préhistoire, l'âge de la pierre, puis l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Est-ce que votre démarche était de cette nature, c'est-à-dire essayer de qualifier des moments historiques par un matériau ou une matière, ou est-ce que peut-être davantage comme Bernard Sève, vous considérez qu'au fond ce n'est pas vraiment possible et que c'est la variation, la variété toujours stupéfiante qui caractérise malgré tout chaque époque? À vrai dire, je pense que c'est extrêmement important. La façon de qualifier une période, c'est ce qu'on appelle les chrononymes. Or, les chrononymes de matière sont très importants. On les a oubliés depuis très longtemps. On ne les oubliait pas à l'école primaire, lorsqu'on parlait de l'âge de la pierre taillée, de la pierre polie, de l'âge du bronze, de l'âge du fer, etc. Et puis, on a un peu, dans la littérature, je pense, et dans l'imaginaire, abandonné cela, encore que il est évident qu'à la Renaissance, le marbre de Carrare a une importance imaginaire extrêmement importante. Or, je prétends, c'est pour ça que j'ai écrit le livre Fragilitas. Sur le plâtre, dont on va parler maintenant. Oui. Est dominé par, malgré tout par une matière dominante. Hein. Alors, la poutrelle métallique de 1855 à 1945 et le plastique aujourd'hui, ce matin à la télévision, on a cessé de raconter qu'il y a des millions de petites particules de plastique sur les plages de l'Atlantique. Or, je prétends, je tiens beaucoup d'ailleurs à ce petit livre, vous avez dit que j'en ai écrit beaucoup. Oui. Il y en a qui marquent, parce que je pense que qualifier une période en fonction d'une matière, un chrononyme de matière, c'est montrer particulièrement net entre 1815 et 1855 en France, oui. À période durant laquelle le plâtre joue un rôle. En France, encore une fois, parce qu'en Angleterre, ce serait plutôt peut-être le charbon, mais c'est un rôle que j'ai retrouvé partout. Et je vous propose qu'on en parle en détail, hein, si vous le voulez bien. Et donc, voilà. Mais vous inquiétez pas, on va parler de ce livre, Fragilitas, cette histoire du plâtre et cette période, le premier 19e siècle, dites-vous Alain Corbin, où cette matière s'est imposée. Il y aurait donc certes une grande inventivité des artistes, mais malgré tout, et peut-être a posteriori, on constate que certaines matières s'imposent. Nous parlons ce matin des matières et des matériaux dans nos vies. Je suis en compagnie du philosophe Bernard Sève et des historiens Manuel Charpie et Alain Corbin. Alors, parfois, même au présent, on se rend compte qu'une matière s'impose, comme vous venez de le dire, Alain Corbin, le plastique aujourd'hui. Au présent, nous voyons qu'il se joue quelque chose d'essentiel autour de lui. Et bien Victor Hugo, qui avait aussi le génie du présent, a écrit une page très belle qui vous donne entièrement raison sur le plâtre dans Notre-Dame de Paris en 1831. On l'écoute. Il y a le Paris de Catherine de Médicis, aux Tuileries. Le Paris d'Henri II, à l'Hôtel de Ville. Deux édifices encore d'un grand goût. Le Paris d'Henri IV, à la Place Royale. Façade de briques à coins de pierre et à toit d'ardoise. Des maisons tricolores. Le Paris de Louis XIII, au Val-de-Grâce. Une architecture écrasée, trapue, des voûtes en anse de panier. Je ne sais quoi de ventru dans la colonne et de bossu dans le dôme. Le Paris de Louis XIV, aux Invalides. Grand, riche, doré et froid. Le Paris de Louis XV, à Saint-Sulpice. Des volutes, des nœuds, de rubans, des nuages, des vermicelles et des chicorées, le tout en pierre. Le Paris de Louis XVI au Panthéon, sans pierre de Rome mal copié. Le Paris de la République, à l'école de médecine, un pauvre goût grec et romain qui ressemble au Colisée ou au Parthénon. Le Paris de Napoléon, à la place Vendôme. Celui-là est sublime. Une colonne de bronze faite avec des canons. Le Paris de la Restauration, à la Bourse. Une colonnade fort blanche, supportant une frise fort lisse. Le tout est carré et a coûté 20 millions. Quand on sait voir, on retrouve l'esprit d'un siècle et la physionomie d'un roi jusque dans un marteau de porte. Le Paris actuel n'a aucune physionomie générale. C'est une collection d'échantillons de plusieurs siècles et les plus beaux ont disparu. Les monuments y deviennent de plus en plus rares et il semble qu'on les voit s'engloutir peu à peu noyés dans les maisons. Nos pères avaient un Paris de pierre, nos fils auront un Paris de plâtre. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Un Paris de plâtre, une capitale pleine de plâtre, dit Victor Hugo, ici lu par notre réalisateur Riyad Kera. Alain Corbin, vous dites évidemment que le plâtre est très fragile, c'est le titre de votre livre, Fragilitas, que c'est une matière fuyante, c'est votre expression. Ça a quelque chose de provisoire, on dit bien essuyer les plâtres aussi. Est-ce que ce n'est pas un peu troublant qu'une telle matière s'impose à un moment donné? Et qu'est-ce que ça dit, d'après vous, et d'après Hugo d'ailleurs, je crois que vous pensez la même chose, de cette période, le premier 19e siècle? C'est extrêmement important parce que ça n'a guère été dit, sauf par Philippe Hartog qui souligne une modification du régime d'historicité. Effectivement, vous auriez du mal à me citer un très beau ou de très beaux monuments datant de cette période, peut-être des édifices troubadours, mais je ne vois pas. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on s'est retourné vers l'histoire, vers le passé, vers les monuments du passé, et qu'on venait de subir la destruction de ce passé. Chateaubriand l'a bien dit quand il dit qu'il a quitté un rivage pour aller vers un autre rivage. Or, cet autre rivage est fait de destruction antérieure, la Révolution, mais aussi la Restauration, de destructions qui font que on ne sait plus où on est. On ne sait plus dater, d'abord, la période. Musset a beaucoup développé cela en disant qu'on ne savait pas si on marchait sur un débris ou sur une semence. Effectivement, sous la Restauration, la nécessité de l'assemblage, la nécessité de faire recoller en quelque sorte les morceaux, même dans le domaine social d'ailleurs, est évidente. Donc c'est passionnant parce que ça voudrait dire, si je vous suis bien, que les matériaux privilégiés d'une époque, en réalité, disent quelque chose de sa tonalité. Et là, on a des régimes politiques, une Restauration qui ne sait plus bien qui elle est, un Charles X qui sera le... Oh, comment c'est vraiment fin de règne, hein, cette histoire. Puis la monarchie de Juillet, puis une révolution de 1848 qui va finir par un nouvel empire. Vous êtes persuadé que les matériaux parlent de la tonalité général d'une époque, y compris politique. Oui, 5 régimes en 50 ans, régime, je ne dis pas gouvernement, hein, régime en 50 ans, montre une fragilité, d'où le titre du livre, montre qu'il y a du creux, qu'il y a de l'éphémère, qu'il y a que tout fiche le camp, si vous voulez, très vite, que cela repose sur des moulages d'une période vers une autre. Tout cela est extrêmement significatif de cette première moitié du 19e siècle dans laquelle on a voulu voir, à mon avis à tort, uniquement l'avènement de la République ou du moins la préparation de l'avènement d'une République qui ne se fera que bien plus tard, après la guerre de 70. Merci pour toutes ces précisions, Alain Corbin. Manuel Charpie, vous êtes vous aussi un historien des matières et des sensibilités. Est-ce que vous auriez un propos aussi ambitieux que celui qu'on vient d'entendre dans la bouche d'Alain Corbin, qui dit que tout renvoie à tout? C'est presque un hegelianisme appliqué. Chaque chose et les matières renvoient à la politique, à l'histoire des idées. Vous iriez aussi loin? Alors, non, par timidité et manque de compétences, mais effectivement, dans Fragilitas, le livre d'Alain Corbin, on est à la fois dans les matières quotidiennes et ce qu'elles produisent, y compris artistiquement, et puis dans la matière comme métaphore d'une époque. Oui. Alors, c'est vrai que je prends les... Comment dire? J'ai essayé de prendre les matières, comme je l'ai dit, plutôt sur la vie sociale, y compris la vie des objets artistiques. Et ce qui est troublant aussi sur le premier 19e siècle, c'est que C'est une période aussi faite de grandes tensions culturelles, on va dire. C'est-à-dire que effectivement, c'est un âge du plâtre, mais en même temps, c'est le moment où on va commencer à nettoyer les alentours des monuments, qui sont des monuments en pierre, qu'on restaure. Donc, on donne aussi une place énorme à la pierre dans la ville, en tout cas, une place symbolique. On détruit toutes les constructions de bois dans Paris, avec l'idée qu'une vraie ville, une ville moderne, ne peut pas avoir du bois, du carton, du tissu. Donc, vous voyez, on a aussi cette tension-là. Et puis, c'est aussi l'époque, quand même, le premier 19e siècle, où on a à la fois ce goût du passé qu'évoquait Alain Corbin, avec la passion pour une nouvelle matière qui est la patine, cette matière qui est censée être le témoin du temps qui passe, cette matière qui est censée être inimitable. Oui. C'est pour ça qu'on fait énormément de faux à l'époque, de fausses patines. Et puis en même temps, c'est la période du toc. On invente ce terme de toc pour parler des matières, des imitations de matières sans valeur. À peu près aussi dans les années 1820-1830. Donc on a... Vous êtes plutôt dans une des considérations sur la variété. On ne peut pas tout réduire à un principe d'unité. Je dirais qu'il y aurait une tentation hegelienne. Alors Hegel, ce philosophe de l'histoire, qui pensait en effet que tout dans une époque renvoyait à tout. Cela dit, il y avait de la variété pour lui. Mais il y avait quand même une unification possible. L'historien, parfois, est plus prudent, n'est plus aussi hegelien. Oui, mais plus divers et dispersé, on va dire, en tout cas. Oui. Et après... non, par contre, enfin, c'est admirable dans le travail d'Alain Corbin, cette capacité à faire aussi à tracer comme ça une ligne. C'est vrai que en même temps, c'est très suggestif, ça donne beaucoup. Oui, tout à fait. Assurément, mais, que mais le plâtre que... soit la fragilité même de ce premier 19e siècle, c'est magnifique comme idée. Absolument. Et en plus, on pourrait rajouter les carrières qui font qu'aujourd'hui encore Paris s'effondre. Mais je me disais aussi en lisant cet ouvrage sur cette poudre blanche et les formes qu'elle prend, qu'on a aussi sur tout le premier 19e siècle. En fait, c'est un rêve industriel d'avoir une poudre blanche qu'on va pouvoir mouler à toutes les formes. Faire des masques mortuaires, le plâtre servait beaucoup à ça. Mais, alors, on a le plâtre, mais on a aussi, je parlais du caoutchouc, en fait, il se présente, quand on parle caoutchouc, on imagine quelque chose de noir, parce qu'on pense à des pneus, voilà. Mais en fait, c'est une poudre blanche, ça se présente comme une poudre blanche. Mais on a aussi, on découvre le cellulose, par exemple, et c'est pas rien, c'est considérable. Ou le tapioca. Pour la cuisine, c'est-à-dire des matières blanches en poudre, c'est la transformation du manioc. C'est les mêmes années, tout ça, c'est le milieu du 19e siècle. D'un coup, il fallait quelque chose de la transsubstantiation qu'on entendait même sur le vinyle, je trouve. C'est-à-dire cette magie d'une matière qui peut se prendre par une opération industrielle, prendre à peu près toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les apparences. Ça me paraît un fait assez marquant au cours du 19e siècle. Alors, je vais faire réagir Bernard Sève à ses considérations sur les matières et leur époque, d'autant que Bernard Sève, vous rendez hommage à Hegel au début de votre livre, à ses leçons sur l'esthétique qui ont été publiées après sa mort en 1835. Hegel pensait qu'il y avait quand même un principe d'unité à chaque époque. On pouvait un peu totaliser ce qui se passait. En même temps, vous êtes, c'est votre côté proche de Montaigne, vous aimez la variété. Je voudrais savoir comment vous vous situez dans ce débat. Est-ce que vous pensez qu'il y a des matières, on parlera juste après des matériaux, en quelque sorte des matières reines à certaines époques ? Je pense qu'il y a des matières reines. Je n'ai évidemment ni la compétence d'Alain Corbin, ni celle de Manuel Charpie sur l'histoire détaillée des matières à une certaine époque, notamment dans leur cas au 19e siècle. Il y a des matières reines, d'abord parce qu'il y a des matières qui sont très chères. Et le coût, la provenance... Ça pourrait les rendre rares, du coup. Pas tellement fréquentes, justement. Voilà. Et l'or que l'on dépose sur les fresques, ou le bleu outre-mer, sont des matériaux très chers. Ensuite, il y a des matériaux qui apparaissent à un certain moment, comme la cochenille et le type de rouge. Il y a un livre magnifique de George Rock sur ce matériau. Je ne sais pas s'il y a des matières reines, à une époque, ne serait-ce que parce que une matière qui est reine dans le domaine des plasticiens ne le sera pas pour les musiciens, ne le sera pas forcément pour les constructeurs ou ne le sera pas pour des amiraux qui sont chargés de développer la flotte royale. Oui. Mais dans votre hommage à Hegel, c'est là que vous introduisez, si je me souviens bien dans votre livre, la notion de matériaux. Vous dites que Hegel avait compris que l'art allait se développer avec des matériaux de plus en plus dématérialisés. Et donc là, j'ai besoin que vous m'expliquiez. Alors, ce qui m'intéressait chez Hegel, c'est pourquoi j'ai fait une certaine place dans le livre dont nous parlons, c'est qu'il envisageait, avec beaucoup de culot et une force spéculative extraordinaire, une histoire générale de l'art depuis les premiers temps jusqu'à son époque, et il l'envisage sous le signe de la dématérialisation progressive des matériaux artistiques. Vous êtes d'accord avec lui, non ? Non, jusqu'à un certain point, je dis pas que je suis d'accord avec lui, je trouve que c'est vraiment une pensée à laquelle il faut forte, se confronter. Et le moment pour moi magique dans cette grande histoire que sont les leçons sur l'esthétique de Hegel, c'est le moment où on passe de la sculpture à la peinture, c'est-à-dire où l'artiste fait le sacrifice de la troisième dimension, ça se fait d'ailleurs par étapes, puisque vous avez la sculpture en ronde bosse, on peut faire le tour, vous avez le haut-relief, vous avez le bas-relief, et puis on passe aux deux dimensions. C'est quoi des matériels ? Qu'est-ce que c'est un matériau qui n'est pas une matière ? Je voudrais qu'on comprenne ce point très important dans votre livre. Alors, un matériau qui n'est pas une matière, c'est un matériau dont la substance n'est pas physico-chimique. Pour le dire de la manière la plus simple, un thème musical est un matériau dont l'artiste va s'emparer pour le varier, le répéter, enfin tout ce qu'on veut. Ça n'est pas physico-chimique, ça ne se touche pas, ça ne se dissout pas dans l'acide, ça ne subit pas l'érosion. Donc un événement pour un romancier, si le travail est un matériau. C'est un matériau immatériel. Et tous les faits divers qui sont repris de manière parfois très inventive et de manière parfois vulgaire, mais qui sont repris par les romanciers ou les cinéastes d'aujourd'hui, ou les auteurs de bandes dessinées, les faits divers sont des matériaux. Ils ne sont pas matériels. Mmh. Mais bien entendu, ces matériaux immatériels, quelque part, ils touchent la matière. Bien sûr. Rencontre, évidemment. Il n'y a pas d'art sans matière. Il y a un relais. Oui, Thème musical, il va être écrit ou il va être mémorisé. Et s'il n'est ni écrit ni mémorisé, il n'existe plus. Donc il faut bien qu'il ait un relais matériel. De même, l'événement, le récit, il a été, enfin le fait divers, il a été ou photographié ou raconté. Enfin, il y a quelque part un relais matériel. Mais en tant que tel, c'est un matériau immatériel. Et du coup, ça va encore dans le sens, plus encore, je crois, de la variété. Parce qu'évidemment, si les matériaux sont même au-delà des matières. De la variété et de l'infinie disponibilité des choses du monde. Oui. Alain Corbin, je crois que vous voulez réagir à ce dernier échange que nous avons eu sur matière dominante ou pas matière dominante à chaque époque, ou peut-être sur autre chose. Je vous écoute. Oh oui, moi j'y crois beaucoup, à la matière dominante d'une époque. Même la galalite dont on a parlé, avec laquelle je jouais, ben, compte tenu de mon grand âge, à la fin du, enfin, à l'avant-guerre, non, il y a des matières dominantes. Et le plâtre est vraiment une matière dominante de 1815 à 1855. Je ne vais pas énumérer, parce que je l'ai fait dans le livre, tout ce que le bric-à-bracolage, comme dit Balzac, le cousin Ponce, la fascination des figurines de plâtre, la fascination des masques mortuaires de plâtre, la fascination dans la vie privée aussi de l'envoi de morceaux de bras, de morceaux de mains à l'amant, c'est le cas entre Louise Collet et Flaubert. Donc, il est partout, le plâtre. Alors, je ne parle pas. Mais merci, moi j'aime bien votre façon d'assumer une pensée très forte, là. Qu'il y a de la matière qui domine à chaque époque, et en l'occurrence, le plâtre dans le premier 19e siècle. Bon, malheureusement, cette émission n'est pas infinie. J'ai une toute petite dernière question un peu personnelle à Bernard Sève. J'ai l'impression que dans l'histoire de l'art, on redécouvre a posteriori des matières qui n'étaient pas nobles à un moment donné ou qui représentaient le provisoire. Alors on peut parler du plâtre qui souvent permettait de faire des moules avant de faire les sculptures dans d'autres matériaux. Et moi, j'ai une tendresse pour la cire, je dois vous dire. J'en ai une, elle vaut sans doute rien du tout, mais je sais très bien qu'elle n'était que, le prélude, probablement à une statue en bronze ou en d'autres choses. Mais la cire, c'est merveilleux, c'est la chair, c'est extrêmement fragile, c'est comme le plâtre dans son genre. Pourquoi ça m'émeut, d'après vous ? Ah, je ne peux pas répondre à votre place. Alain Corban, en Fragilitas, parle un moment de la cire, mais il ne développe pas, car son objet, c'est le plâtre. Je ne sais pas pourquoi la cire vous émeut, mais elle est, comme d'autres matériaux dont il a été question, extraordinairement souple, apte à prendre toutes les formes et toutes les couleurs, je crois. Par là, elle est liée à... C'est la peau, hein, c'est comme nous le dit un certain... La peau et la douceur. La douceur dont il était question. Ouais. La douceur. Vous allez dire le dernier mot, Manuel Charpentier. Pour vous, le dernier mot. Pour tenter une explication. Oui, de mon émotion. Il y a plein de matières qui sont des matières de dévanité, c'est-à-dire des matières fragiles, justement, la cire. Mais je pense, au XIXe siècle, on fait plein de petites figurines religieuses en mite peint, y compris des choses très précieuses, mais où d'un coup la matière ne vaut rien et elle vaut parce qu'on lui, par la transformation et par l'affect qu'on va projeter dans ces matières fragiles. Musical, je crois, assez subtil de notre réalisateur Yad Keras, c'est Jean-Luc Ponty, Egocentric Molecules, un titre de 1978. Il faudrait d'ailleurs peut-être dire juste tout simplement égocentrique molécule. Je vous propose à présent, chers invités, d'écouter Frédéric Worms qui nous parle du chaud et du froid depuis toute la semaine. C'est particulièrement en écho, me semble-t-il, avec notre sujet d'aujourd'hui. Voici le pourquoi du comment. Comment partager le chaud et le froid ? Lorsque l'on parle aujourd'hui du réchauffement climatique, il y a d'abord quelque chose de très surprenant, comme si le climat avait refroidi et qu'il s'était ensuite réchauffé. C'est tout à fait révélateur, puisque les âges de la planète sont en effet mesurés par ces température globale et leur évolution au cours du temps. Et aujourd'hui, effectivement, on peut parler de chaleur, de renforcement de la chaleur, et on dit le réchauffement pour désigner un danger global. Finalement, un réchauffement, c'est le passage possible au-delà d'une norme qui rend la vie impossible, car le degré de chaleur n'est jamais seulement une mesure sur un thermomètre, c'est aussi des seuils qui permettent ou non la survie de tels ou tels organismes, voire de la vie tout entière sur notre planète. Mais ce réchauffement climatique global a quelque chose de trompeur, quelque chose qui nous oblige à une autre démarche, non seulement à transporter l'image de l'organisme individuel vers l'organisme total de la planète, certains disent Gaïa, évidemment c'est utile pour piloter les échanges justement entre les humains, mais justement l'usage du réchauffement climatique n'a qu'une seule fonction réelle, c'est de nous amener à réguler le partage entre les vivants et d'abord entre les êtres humains sur la planète du chaud et du froid. Tout se passe aujourd'hui comme si les biens communs n'étaient pas seulement des éléments à la surface ou dans les profondeurs ou au-dessus de la terre, l'eau, le ciel ou la terre, l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la terre qui nous porte et qui nous nourrit, mais aussi le feu lui-même. Ce feu dont Bachelard avait fait la psychanalyse, il est aujourd'hui l'objet aussi de tractations économiques. Nous nous transmettons du carbone. Nous avons une certaine quantité de chaleur sédimentée, fossilisée dans la terre qui nous sert à nous nourrir et à nous chauffer, qui peut aussi amener à se détruire elle-même, à s'autodétruire par un excès de consommation. De telle sorte aussi qu'il y a une inégalité fondamentale dans l'exposition à la chaleur et dans l'accès à la fraîcheur. Dans l'accès aussi à une certaine chaleur minimale, bien entendu, pour éviter que, car c'est toujours possible, le froid vienne à menacer la vie humaine. Il y a donc aujourd'hui une économie et des principes de justice dans l'échange de la chaleur et du froid, dans le partage de la température mondiale, dans l'anticipation des lieux précis où la température va devenir insupportable et invivable d'un côté, et dans la responsabilité commune vis-à-vis de la chaleur des uns ou des autres. Il y a donc une économie, mais aussi une justice, et comme une géopolitique de la chaleur et du froid, une géopolitique qui transforme radicalement les angles de la politique humaine. Alors bien entendu, on peut y retrouver des guerres de l'énergie, des guerres de la chaleur, que les uns soient au chaud pendant que les autres brûlent, alors qu'auparavant l'image de l'hospitalité, c'était plutôt que les uns étaient au chaud pendant que les autres gèlent. L'image de l'hospitalité, cela a toujours été l'accueil de l'être frigorifié dans une chaumière devant une cheminée chaleureuse et accueillante. Aujourd'hui, c'est plutôt l'image du partage de la chaleur, de ne pas laisser les uns brûler de surconsommation de chaleur, exposés au grand feu et au réchauffement climatique dans toute son invivabilité. Quand la chaleur pourra atteindre 50 degrés dans des parties sur peuplé du monde. Et l'image de l'hospitalité aujourd'hui, c'est plutôt l'image de ne pas laisser des parties du monde exposées à des brûlures extrêmes, tandis que les autres sont climatisées pour échapper à ces brûlures dans des parties privilégiées qui accélèrent le danger global. C'est un partage de la température, un partage de la températion, un partage de la mesure, un partage de la modération, comme si la chaleur nous apprenait la justice. Merci Frédéric Worms et merci Alain Corbin, Bernard Sève, Emmanuel Charpie de nous avoir parlé ce matin des matières et des matériaux dans l'art et aussi d'une manière plus large à chaque époque. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou bien sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Rémi Kaufmann. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et le reste de l'équipe, Marine Boudalier, Carla Michel, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Et vraiment, sur cette émission, Anna Fulpin mérite un remerciement tout particulier. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!